Comme Frédéric se trouvait en face, sur un pliant, elle le considérait, l'une avec décence, du coin des paupières, l'autre, franchement, la bouche ouverte. Si bien que Madame d'Ambroise lui dit « Tournez-vous donc pour qu'elle vous voie. Qui cela ? Mais la fille de Monsieur Roque. » Et elle le plaisanta sur l'amour de cette jeune provinciale. Il s'en défendait, en tâchant de rire. « Est-ce croyable ? Je vous le demande. Une laideur pareille. » Cependant, il éprouvait un plaisir de vanité immense. Il se rappelait l'autre soirée, celle dont il était sorti, le cœur plein d'humiliation. Il y respirait, largement. Il se sentait dans son vrai milieu, presque dans son domaine, comme si tout cela, y compris l'hôtel d'Ambroise, lui avait appartenu. Les dames formaient un demi-cercle en l'écoutant, et, afin de briller, il se prononça pour le rétablissement du divorce, qui devait être facile, jusqu'à pouvoir se quitter et se reprendre indéfiniment, tant qu'on voudrait. Elles se récrièrent, d'autres chuchotait. Il y avait de petits éclats de voix dans l'ombre, au pied du mur, couvert d'aristoloches. C'était comme un caquetage de poules en gaieté. Il développait sa théorie avec cet aplomb que la conscience du succès procure. Un domestique apporta dans la tonnelle un plateau chargé de glace. Les messieurs s'en approchèrent. Ils causaient des arrestations. Alors, Frédéric se vengea du vicomte en lui faisant accroire qu'on allait peut-être le poursuivre comme un légitimiste. L'autre objectait qu'il n'avait pas bougé de sa chambre. Son adversaire accumula les chances mauvaises. Messieurs d'Ambroise et de Grémonville eux-mêmes s'amusaient. Puis, ils complimentèrent Frédéric tout en regrettant qu'il n'employât pas ses facultés à la défense de l'ordre. Et leur poignée de main fut cordiale. Ils pouvaient, désormais, compter sur eux. Enfin, comme tout le monde s'en allait, le vicomte s'inclina très bas devant Cécile. « Mademoiselle, j'ai bien l'honneur de vous souhaiter le bonsoir. » Elle répondit d'un ton sec « Bonsoir », mais elle envoya un sourire à Martinon.